L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricou pour audiocité.net. Seconde partie, chapitre 19. Deux ans déjà, et depuis deux ans les colons n'avaient eu aucune communication avec leurs semblables. Ils étaient sans nouvelles du monde civilisé, perdus sur cette île, aussi bien que s'ils eussent été sur quelque infime astéroïde du monde solaire. Que se passait-il alors dans leur pays? L'image de la patrie était toujours présente à leurs yeux, cette patrie déchirée par la guerre civile, au moment où ils l'avaient quittée, et que la rébellion du Sud ensanglantait peut-être encore. C'était pour eux une grande douleur, et souvent ils s'entretenaient de ces choses, sans jamais douter, cependant, que la cause du Nord ne dût triompher pour l'honneur de la Confédération américaine. Pendant ces deux années, pas un navire n'avait passé en vue de l'île, ou, du moins, pas une voile n'avait été aperçue. Il était évident que l'île Lincoln se trouvait en dehors des routes suivies, et même qu'elle était inconnue, ce que prouvaient les cartes d'ailleurs, car à défaut d'un port, son aiguade aurait dû attirer les bâtiments désireux de renouveler leurs provisions d'eau. Mais la mer qui l'entourait était toujours déserte, aussi loin que pouvait s'étendre le regard, et les colons ne devaient guère compter que sur eux-mêmes pour se rapatrier. Cependant, une chance de salut existait, et cette chance fut précisément discutée un jour de la première semaine d'avril, par les colons qui étaient réunis dans la salle de Granite House. Précisément, il avait été question de l'Amérique, et on avait parlé du pays natal, qu'on avait si peu d'espérance de revoir. « Décidément, nous n'aurons qu'un moyen, » dit Gédéon Spilett, « un seul de quitter l'île Lincoln. » Ce sera de construire un bâtiment assez grand pour tenir la mer pendant quelques centaines de milles. Il me semble que, quand on a fait une chaloupe, on peut bien faire un navire, et que l'on peut bien aller au Pomotou, ajouta Harbert, quand on est allé à l'île Tabor. Je ne dis pas non, répondit Pencroff, qui avait toujours voix prépondérante dans les questions maritimes. Je ne dis pas non, quoique ce ne soit pas tout à fait la même chose d'aller près et d'aller loin. Si notre chaloupe avait été menacée de quelques mauvais coups de vent pendant le voyage à l'île Tabor, nous savions que le port n'était éloigné ni d'un côté ni de l'autre. Mais 1200 milles à franchir, c'est un joli bout de chemin, et la terre la plus rapprochée est au moins à cette distance. Est-ce que, le cas échéant, Pencroff, « vous ne tenteriez pas l'aventure ?» demanda le reporter. « Je tenterai tout ce que l'on voudra, monsieur Spilett, » répondit le marin. « Et vous savez bien que je ne suis point homme à reculer. »« Remarque d'ailleurs que nous comptons un marin de plus parmi nous, » fit observer Nab. « Qui donc ?» demanda Pencroff. « Ayrton. »« C'est juste, » répondit Harbert. « S'il consentait à venir, » fit observer Pencroff. « Bon, dit le reporter, croyez-vous donc que si le yacht de Lord Glenarvan se fût présenté à l'île Tabor pendant qu'il l'habitait encore, Ayrton aurait refusé de partir ?»« Vous oubliez, mes amis, dit alors Cyrus Smith, qu'Ayrton n'avait plus sa raison pendant les dernières années de son séjour. Mais la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si nous devons compter parmi nos chances de salut ce retour du navire écossais. Or, Lord Glenarvan a promis à Ayrton de venir le reprendre à l'île Tabor quand il jugerait ses crimes suffisamment expiés, et je crois qu'il reviendra. « Oui, dit le reporter, et j'ajouterai qu'il reviendra bientôt, car voilà 12 ans qu'Ayrton a été abandonné. « Eh, répondit Pencroff, je suis bien d'accord avec vous que le Lord reviendra, et bientôt même, mais où relâchera-t-il ? À l'île Tabor, et non à l'île Lincoln. Cela est d'autant plus certain, répondit Harbert, que l'île Lincoln n'est pas même portée sur la carte. Aussi, mes amis, reprit l'ingénieur, devons-nous prendre les précautions nécessaires pour que notre présence et celle d'Ayrton à l'île Lincoln soient signalées à l'île Tabor. Évidemment, répondit le reporter, et rien n'est plus aisé que de déposer, dans cette cabane qui fut la demeure du capitaine Grant et d'Ayrton, une notice donnant la situation de notre île, notice que Lord Glenarvan ou son équipage ne pourront manquer de trouver. Il est même fâcheux, fit observer le marin, que nous ayons oublié de prendre cette précaution lors de notre premier voyage à l'île Tabor. Et pourquoi l'aurions-nous prise? Répondit Harbert. Nous ne connaissions pas l'histoire d'Ayrton à ce moment. Nous ignorions qu'on dût venir le rechercher un jour, et quand nous avons su cette histoire, la saison était trop avancée pour nous permettre de retourner à l'île Tabor. Oui, répondit Cyrus Smith, il était trop tard, et il faut remettre cette traversée au printemps prochain. Mais si le yacht écossais venait d'ici là, dit Pencroff. Ce n'est pas probable, répondit l'ingénieur, car Lord Glenarvan ne choisirait pas la saison d'hiver pour s'aventurer dans ces mers lointaines. Où il est déjà revenu à l'île Tabor depuis que Ayrton est avec nous, c'est-à-dire depuis 5 mois, et il en est reparti, où il ne viendra que plus tard, et il sera temps, dès les premiers beaux jours d'octobre, d'aller à l'île Tabor et d'y laisser une notice. Il faut avouer, dit Nab, que ce serait bien malheureux si le Duncan avait reparu dans ces mers depuis 2 mois seulement. J'espère qu'il n'en est rien, répondit Cyrus Smith, et que le ciel ne nous aura pas enlevé la meilleure chance qui nous reste. Je crois, fit observer le reporter, qu'en tous les cas nous saurons à quoi nous en tenir lorsque nous serons retournés à l'île Tabor, car si les Écossais y sont revenus, ils auront nécessairement laissé quelques traces de leur passage. Cela est évident, répondit l'ingénieur. Ainsi donc, mes amis, puisque nous avons cette chance de rapatriement, attendons avec patience, et si elle nous est enlevée, nous verrons alors ce que nous devrons faire. En tout cas, dit Pencroff, il est bien entendu que si nous quittons l'île Lincoln d'une façon ou d'une autre, ce ne sera pas parce que nous nous y trouvons mal. Non, Pencroff, répondit l'ingénieur, ce sera parce que nous y sommes loin de tout ce qu'un homme doit chérir le plus au monde, sa famille, ses amis, son pays natal. Les choses étaient ainsi décidées, il ne fut plus question d'entreprendre la construction d'un navire assez grand pour s'y aventurer, soit jusqu'aux archipels dans le nord, soit jusqu'à la Nouvelle-Zélande dans l'ouest, et on ne s'occupa que des travaux accoutumés en vue d'un 3e hivernage à Granite House. Toutefois, il fut décidé que la chaloupe serait employée, avant les mauvais jours, à faire un voyage autour de l'île. La reconnaissance complète des côtes n'était pas terminée encore, et les colons n'avaient qu'une idée imparfaite du littoral à l'ouest et au nord, depuis l'embouchure de la rivière de la Chute jusqu'au cap Mandibule, non plus que de l'étroite baie qui se creusait entre eux comme une mâchoire de requin. Le projet de cette excursion fut mis en avant par Pencroff, et Cyrus Smith y donna pleine adhésion, car il voulait voir par lui-même toute cette portion de son domaine. Le temps était variable alors, mais le baromètre n'oscillait pas par mouvements brusques, et l'on pouvait compter sur un temps maniable. Précisément, pendant la première semaine d'avril, après une forte baisse barométrique, la reprise de la hausse fut signalée par un fort coup de vent d'ouest qui dura 5 à 6 jours. Puis, l'aiguille de l'instrument redevint stationnaire à une hauteur de 29 pouces et 9 dixièmes, et les circonstances parurent propices à l'exploration. Le jour du départ fut fixé au 16 avril, et le Bonaventure, mouillé au port Ballon, fut approvisionné pour un voyage qui pouvait avoir quelque durée. Cyrus Smith prévint Ayrton de l'expédition projetée et lui proposa d'y prendre part. Mais, Ayrton ayant préféré rester à terre, il fut décidé qu'il viendrait à Granite House pendant l'absence de ses compagnons, Maître Jup devait lui tenir compagnie et ne fit aucune récrimination. Le 16 avril au matin, tous les colons accompagnés de Top étaient embarqués. Le vent soufflait de la partie du sud-ouest en belle brise, et le Bonaventure dut louvoyer en quittant le port Ballon afin de gagner le promontoire du Reptile. Sur les 90 000 que mesurait le périmètre de l'île, la côte sud en comptait une vingtaine depuis le port jusqu'au promontoire. De là, nécessité d'enlever ces 20 000 au plus près, car le vent était absolument debout. Il ne fallut pas moins de la journée entière pour atteindre le promontoire, car l'embarcation, en quittant le port, ne trouva plus que 2 heures de jusant et eut, au contraire, 6 heures de flot qu'il fut très difficile d'étaler. La nuit était donc venue quand le promontoire fut doublé. Pencroff proposa alors à l'ingénieur de continuer la route à petite vitesse, avec 2 ris dans sa voile. Mais Cyrus Smith préféra mouiller à quelques encablures de terre, afin de revoir cette partie de la côte pendant le jour. Il fut même convenu que puisqu'il s'agissait d'une exploration minutieuse du littoral de l'île, on ne naviguerait pas la nuit et que, le soir venu, on jetterait l'ancre près de terre tant que le temps le permettrait. La nuit se passa donc au mouillage, sous le promontoire, et le vent étant tombé avec la brume, le silence ne fut plus troublé. Les passagers, à l'exception du marin, dormirent peut-être un peu moins bien à bord du Bonaventure qu'ils n'eussent fait dans leur chambre de Granite House, mais enfin ils dormirent. Le lendemain, 17 avril, Pencroff appareilla dès le point du jour, et grand largue et bâbord amure, il put ranger de très près la côte occidentale. Les colons connaissaient cette côte boisée, si magnifique, puisqu'ils en avaient déjà parcouru à pied la lisière, et pourtant elle excita encore toute leur admiration. Ils côtoyaient la terre d'aussi près que possible, en modérant leur vitesse, de manière à tout observer, prenant garde seulement de heurter quelques troncs d'arbres qui flottaient çà et là. Plusieurs fois même, ils jetèrent l'ancre, et Gédéon Spilett prit des vues photographiques de ce superbe littoral. Vers midi, le Bonaventure était arrivé à l'embouchure de la rivière de la Chute. Au-delà, sur la rive droite, les arbres reparaissaient, mais plus clairsemés, et 3 000 plus loin, ils ne formaient plus que des bouquets isolés entre les contreforts occidentaux du mont, dont l'aride échine se prolongeait jusqu'au littoral. Quel contraste entre la portion sud et la portion nord de cette côte! Autant celle-là était boisée et verdoyante, autant l'autre était âpre et sauvage. On eût dit une de ces côtes de fer, comme on les appelle en certains pays, et sa contexture tourmentée semblait indiquer qu'une véritable cristallisation s'était brusquement produite dans le basalte, encore bouillant des époques géologiques, entassement d'un aspect terrible, qui eût épouvanté tout d'abord les colons, si le hasard les eût jetés sur cette partie de l'île. Lorsqu'ils étaient au sommet du mont Franklin, ils n'avaient pu reconnaître l'aspect profondément sinistre de ce rivage, car il le dominait de trop haut. Mais vu de la mer, ce littoral se présentait avec un caractère d'étrangeté, dont l'équivalent ne se rencontrait peut-être pas en aucun point du monde. Le Bonaventure passa devant cette côte, qu'il prolongea à la distance d'un demi-mille. Il fut facile de voir qu'elle se composait de blocs de toutes dimensions, depuis 20 pieds jusqu'à 300 pieds de hauteur, et de toutes formes, cylindriques comme des tours, prismatiques comme des clochers, pyramidaux comme des obélisques, coniques comme des cheminées d'usine. Une banquise des mers glaciales n'eût pas été plus capricieusement dressée dans sa sublime horreur. Ici, des ponts jetés d'un roc à l'autre, là, des arceaux disposés comme ceux d'une nef, dont le regard ne pouvait découvrir la profondeur. en un endroit de larges excavations, dont les voûtes présentaient un aspect monumental. En un autre, une véritable cohue de pointes, de pyramidions, de flèches comme aucune cathédrale gothique n'en a jamais compté. Tous les caprices de la nature, plus variés encore que ceux de l'imagination, dessinaient ce littoral grandiose qui se prolongeait sur une longueur de 8 à 9 milles. Cyrus Smith et ses compagnons regardaient avec un sentiment de surprise qui touchait à la stupéfaction. Mais s'il restait muet, Top, lui, ne se gênait pas pour jeter des aboiements que répétaient les 1000 échos de la muraille basaltique. L'ingénieur observa même que ces aboiements avaient quelque chose de bizarre, comme ceux que le chien faisait entendre à l'orifice du puits de Granite House. « Accostons, dit-il. » Et le Bonaventure vint raser d'aussi près que possible les rochers du littoral. Peut-être existait-il là quelque grotte qu'il convenait d'explorer. Mais Cyrus Smith ne vit rien. Pas une caverne, pas une anfractuosité qui pût servir de retraite à un être quelconque, car le pied des roches baignait dans le ressac même des eaux. Bientôt, les aboiements de Top cessèrent, et l'embarcation reprit sa distance à quelques encablures du littoral. Dans la portion nord-ouest de l'île, le rivage redevint plat et sablonneux. Quelques rares arbres se profilaient au-dessus d'une terre basse et marécageuse que les colons avaient déjà entrevue, et par un contraste violent avec l'autre côte si déserte, la vie se manifestait alors par la présence de myriades d'oiseaux aquatiques. Le soir, le Bonaventure mouilla dans un léger enfoncement du littoral, au nord de l'île, près de terre, tant les eaux étaient profondes en cet endroit. La nuit se passa paisiblement, car la brise s'éteignit, pour ainsi dire, avec les dernières lueurs du jour, et elle ne reprit qu'avec les premières nuances de l'aube. Comme il était facile d'accoster la terre ce matin-là, les chasseurs attitrés de la colonie, c'est-à-dire Harbert et Gédéon Spilett, allèrent faire une promenade de 2 heures et revinrent avec plusieurs chapelets de canards et de bécassines. Top avait fait merveille et pas un gibier n'avait été perdu grâce à son zèle et à son adresse. À 8 heures du matin, le Bonaventure appareillait et filait très rapidement en s'élevant vers le cap Mandibule Nord, car il avait vent arrière et la brise tendait à fraîchir. « Du reste, dit Pencroff, je ne serais pas étonné qu'il se préparât quelques coups de vent d'ouest. Hier, le soleil s'est couché sur un horizon très rouge, et voici ce matin des queues de chat qui ne présagent rien de bon. Ces queues de chat étaient des cirrus effilés, éparpillés au zénith, et dont la hauteur n'est jamais inférieure à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. On eût dit de légers morceaux de ouate, dont la présence annonce ordinairement quelques troubles prochains dans les éléments. « Eh bien, dit Cyrus Smith, portons autant de toiles que nous pouvons porter, et allons chercher refuge dans le golfe du Requin. Je pense que le Bonaventure y sera en sûreté. » « Parfaitement, répondit Pencroff, et d'ailleurs, la côte nord n'est formée que de dunes peu intéressantes à considérer. Je ne serais pas fâché, ajouta l'ingénieur, de passer non seulement la nuit, mais encore la journée de demain dans cette baie, qui mérite d'être explorée avec soin. Je crois que nous y serons forcés, que nous le voulions ou non, répondit Pencroff, car l'horizon commence à devenir menaçant dans la partie de l'ouest. Voyez comme il s'encrasse. En tout cas, nous avons bon vent pour gagner le cap Mandibule, fit observer le reporter. Très bon vent, répondit le marin, mais pour entrer dans le golfe, il faudra louvoyer, et j'aimerais assez y voir clair dans ces parages que je ne connais pas. Parages qui doivent être semés d'écueils, ajouta Harbert, si nous en jugeons par ce que nous avons vu à la côte sud du golfe du Requin. Pencroff, dit alors Cyrus Smith, faites pour le mieux. Nous nous en rapportons à vous. « Soyez tranquille, monsieur Cyrus, répondit le marin, je ne m'exposerai pas sans nécessité. J'aimerais mieux un coup de couteau dans mes œuvres vives qu'un coup de roche dans celle de mon Bonaventure. » Ce que Pencroff appelait œuvre vive, c'était la partie immergée de la carène de son embarcation, et il y tenait plus qu'à sa propre peau. « Quelle heure est-il ? » demanda Pencroff. « 10 heures, répondit Gédéon Spilett. « Et quelle distance avons-nous à parcourir jusqu'au cap, monsieur Cyrus ?»« Environ 15 000, répondit l'ingénieur. « C'est l'affaire de 2 heures et demie, dit alors le marin, et nous serons par le travers du cap entre 12 et 1 heure. Malheureusement, la marée renversera à ce moment, et le jusant sortira du golfe. Je crains donc bien qu'il ne soit difficile d'y entrer, ayant vent et mer contre nous. D'autant plus que c'est aujourd'hui pleine lune, fit observer Harbert, et que ces marées d'avril sont très fortes. Eh bien, Pencroff, demanda Cyrus Smith, ne pouvez-vous mouiller à la pointe du cap ? Mouiller près de terre, avec du mauvais temps en perspective, s'écria le marin. Y pensez-vous, monsieur Cyrus ? Ce serait vouloir se mettre volontairement à la côte. Alors que ferez-vous ? J'essaierai de tenir le large jusqu'au flot, c'est-à-dire jusqu'à 7 heures du soir, et s'il fait encore un peu jour, je tenterai d'entrer dans le golfe. Sinon, nous resterons à courir bord sur bord pendant toute la nuit, et nous entrerons demain au soleil levant. Je vous l'ai dit, Pencroff, nous nous en rapportons à vous, répondit Cyrus Smith. Ah, fit Pencroff, s'il y avait seulement un phare sur cette côte, ce serait plus commode pour les navigateurs. Oui, répondit Harbert, et cette fois-ci, nous n'aurons pas d'ingénieur complaisant qui nous allume un feu pour nous guider au port. Tiens, au fait, mon cher Cyrus, dit Gédéon Spilett, nous ne vous avons jamais remercié, mais franchement, sans ce feu, nous n'aurions jamais pu atteindre... Un feu ? Demanda Cyrus Smith, très étonné des paroles du reporter. Nous voulons dire, monsieur Cyrus, répondit Pencroff, que nous avons été très embarrassés à bord du Bonaventure, pendant les dernières heures qui ont précédé notre retour, et que nous aurions passé sous le vent de l'île sans la précaution que vous avez prise d'allumer un feu dans la nuit du 19 au 20 octobre sur le plateau de Granite House. « Oui, oui, c'est une heureuse idée que j'ai eue là, répondit l'ingénieur. Et cette fois, ajouta le marin, à moins que la pensée n'en vienne à Ayrton, il n'y aura personne pour nous rendre ce petit service. « Non, personne, répondit Cyrus Smith. Et quelques instants après, se trouvant seul à l'avant de l'embarcation avec le reporter, l'ingénieur se penchait à son oreille et lui disait « S'il est une chose certaine en ce monde, Spilett, c'est que je n'ai jamais allumé de feu dans la nuit du 19 au 20 octobre, ni sur le plateau de Granite House, ni en aucune autre partie de l'île. » Chapitre 20. Les choses se passèrent ainsi que l'avait prévu Pencroff, car ses pressentiments ne pouvaient tromper. Le vent vint à fraîchir et, de bonne brise, il passa à l'état de coup de vent, c'est-à-dire qu'il acquit une vitesse de 40 à 45 milles à l'heure, et qu'un bâtiment en pleine mer eût été au bas ris avec ses perroquets calés. Or, comme il était environ 6 heures quand le Bonaventure fut par le travers du golfe, et qu'en ce moment le jusant se faisait sentir, il fut impossible d'y entrer. Force fut donc de tenir le large, car, lors même qu'il l'aurait voulu, Pencroff n'eût pas même pu atteindre l'embouchure de la Mercy. Donc, après avoir installé son foc au grand mât en guise de tourmentin, il attendit en présentant le cap à terre. Très heureusement, si le vent fut très fort, la mer, couverte par la côte, ne grossit pas extrêmement. On n'eut donc pas à redouter les coups de lame, qui sont un grand danger pour les petites embarcations. Le Bonaventure n'aurait pas chaviré sans doute, car il était bien lesté, mais d'énormes paquets d'eau tombant à bord aurait pu le compromettre si les panneaux n'avaient pas résisté. Pencroff, en habit le marin, para à tout événement. Certes, il avait une confiance extrême dans son embarcation, mais il n'en attendit pas moins le jour avec une certaine anxiété. Pendant cette nuit, Cyrus Smith et Gédéon Spilett n'eurent pas l'occasion de causer ensemble, et cependant la phrase prononcée à l'oreille du reporter par l'ingénieur valait bien que l'on discutât encore une fois cette mystérieuse influence qui semblait régner sur l'île Lincoln. Gédéon Spilett ne cessa de songer à ce nouvel et inexplicable incident, à cette apparition d'un feu sur la côte de l'île. Ce feu, il l'avait bien réellement vu. Ses compagnons, Harbert et Pencroff, l'avaient vu comme lui. Ce feu leur avait servi à reconnaître la situation de l'île pendant cette nuit sombre, et ils ne pouvaient douter que ce ne fût la main de l'ingénieur qui l'eût allumé. Et voilà que Cyrus Smith déclarait formellement qu'il n'avait rien fait de tel. Gédéon Spilett se promit de revenir sur cet incident dès que le Bonaventure serait de retour et de pousser Cyrus Smith à mettre ses compagnons au courant de ces faits étranges. Peut-être se déciderait-on alors à faire, en commun, une investigation complète de toutes les parties de l'île Lincoln. Quoi qu'il en soit, ce soir-là aucun feu ne s'alluma sur ces rivages, inconnus encore, qui formaient l'entrée du golfe, et la petite embarcation continua de se tenir au large pendant toute la nuit. Quand les premières lueurs de l'aube se dessinèrent sur l'horizon de l'est, le vent, qui avait légèrement calmi, tourna de deux quarts et permit à Pencroff d'embouquer plus facilement l'étroite entrée du golfe. Vers 7 heures du matin, le Bonaventure, après avoir laissé porter sur le cap Mandibule Nord, entrait prudemment dans la passe et se hasardait sur ses eaux, enfermées dans le plus étrange cadre de lave. « Voilà, dit Pencroff, un bout de mer qui ferait une rade admirable où des flottes pourraient évoluer à leur aise. » « Ce qui est surtout curieux, fit observer Cyrus Smith, c'est que ce golfe a été formé par deux coulées de lave, vomies par le volcan, qui se sont accumulées par des éruptions successives. Il en résulte donc que ce golfe est abrité complètement sur tous les côtés, et il est à croire que même par les plus mauvais vents, la mer y est calme comme un lac. Sans doute, reprit le marin, puisque le vent, pour y pénétrer, n'a que cet étroit goulet creusé entre les deux caps, et encore le cap du nord couvre-t-il celui du sud, de manière à rendre très difficile l'entrée des rafales. En vérité, notre Bonaventure pourrait y demeurer d'un bout de l'année à l'autre, sans même se raidir sur ses ancres. « C'est un peu grand pour lui, » fit observer le reporter. « Eh, monsieur Spilett, » répondit le marin, « je conviens que c'est trop grand pour le Bonaventure. Mais si les flottes de l'Union ont besoin d'un abri sûr dans le Pacifique, je crois qu'elles ne trouveront jamais mieux que cette rade. » « Nous sommes dans la gueule du requin, » fit alors observer Nab, en faisant allusion à la forme du golfe. « En pleine gueule, mon brave Nab, » répondit Harbert. « Mais vous n'avez pas peur qu'elle se referme sur nous, n'est-ce pas ?»« Non, monsieur Harbert, » répondit Nab, « et pourtant ce golfe-là ne me plaît pas beaucoup. Il a une physionomie méchante. »« Bon, » s'écria Pencroff, « voilà Nab qui déprécie mon golfe, au moment où je médite d'en faire hommage à l'Amérique. »« Mais au moins les eaux sont-elles profondes ?» demanda l'ingénieur, « car ce qui suffit à la quille du Bonaventure ne suffirait pas à celle de nos vaisseaux cuirassés. » « Facile à vérifier, » répondit Pencroff. Et le marin envoya par le fond une longue corde qui lui servait de ligne de sonde et à laquelle était attaché un bloc de fer. Cette ligne mesurait environ 50 brasses et elle se déroula jusqu'au bout sans heurter le sol. « Allons, » fit Pencroff, « nos vaisseaux cuirassés peuvent venir ici, ils n'échoueront pas. » « En effet, » dit Cyrus Smith, « c'est un véritable abîme que ce golfe, mais en tenant compte de l'origine plutonienne de l'île, il n'est pas étonnant que le fond de la mer offre de pareilles dépressions. » « On dirait, » fit observer Harbert, « que ces murailles ont été coulées à pic, et je crois bien qu'à leurs pieds, même avec une sonde 5 ou 6 fois plus longue, Pencroff ne trouverait pas le fond. « Tout cela est bien, dit alors le reporter, mais je ferai remarquer à Pencroff qu'il manque une chose importante à sa rade. « Et laquelle, monsieur Spilett ?»« Une coupée, une tranchée quelconque, qui donne accès à l'intérieur de l'île. Je ne vois pas un point sur lequel on puisse prendre pied. » Et, en effet, les hautes laves, très accores, n'offraient pas sur tout le périmètre du golfe un seul endroit propice à un débarquement. C'était une infranchissable courtine qui rappelait, mais avec plus d'aridité encore, les fjords de la Norvège. Le Bonaventure, rasant ses hautes murailles à les toucher, ne trouva pas même une saillie qui pût permettre aux passagers de quitter le bord. Pencroff se consola en disant que, la mine aidant, on saurait bien éventrer cette muraille lorsque cela serait nécessaire, et puisque, décidément, il n'y avait rien à faire dans ce golfe, il dirigea son embarcation vers le Goulet et en sortit vers 2 heures du soir. « Ouf !» fit Nab en poussant un soupir de satisfaction. On eût vraiment dit que le brave nègre ne se sentait pas à l'aise dans cette énorme mâchoire. Du cap Mandibule à l'embouchure de la Mercy, on ne comptait guère qu'une 8aine de milles. Le cap fut donc mis sur Granite House, et le Bonaventure, avec du largue dans ses voiles, prolongea la côte à 1 mille de distance. Aux énormes roches laviques succédèrent bientôt ces dunes capricieuses, entre lesquelles l'ingénieur avait été si singulièrement retrouvé, et que les oiseaux de mer fréquentaient par centaines. Vers 4 heures, Pencroff, laissant sur sa gauche la pointe de l'îlot, entrait dans le canal qui le séparait de la côte, et à 5 heures, l'ancre du Bonaventure mordait le fond de sable à l'embouchure de la Mercy. Il y avait 3 jours que les colons avaient quitté leur demeure. Ayrton les attendait sur la grève, et Maître Jup vint joyeusement au-devant d'eux, en faisant entendre de bons grognements de satisfaction. L'entière exploration des côtes de l'île était donc faite, et nulle trace suspecte n'avait été observée. Si quelque être mystérieux y résidait, ce ne pouvait être que sous le couvert des bois impénétrables de la presqu'île Serpentine, là où les colons n'avaient encore porté leurs investigations. Gédéon Spilett s'entretint de ces choses avec l'ingénieur, et il fut convenu qu'ils attireraient l'attention de leurs compagnons sur le caractère étrange de certains incidents qui s'étaient produits dans l'île, et dont le dernier était l'un des plus inexplicables. Aussi Cyrus Smith, revenant sur ce fait d'un feu allumé par une main inconnue sur le littoral, ne put s'empêcher de redire une 20e fois au reporter « Mais êtes-vous bien sûr d'avoir bien vu? N'était-ce pas une éruption particulière du volcan, un météore quelconque ?»« Non, Cyrus, répondit le reporter, c'était certainement un feu allumé de main d'homme. Du reste, interrogez Pencroff et Harbert. Ils ont vu comme j'ai vu moi-même, et ils confirmeront mes paroles. » Il s'ensuivit donc que, quelques jours après, le 25 avril, pendant la soirée, au moment où les colons étaient réunis sur le plateau de Grande Vue, Cyrus Smith prit la parole en disant « Mes amis, je crois devoir appeler votre attention sur certains faits qui se sont passés dans l'île et au sujet desquels je serais bien aise d'avoir votre avis. Ces faits sont pour ainsi dire surnaturels. »« Surnaturels ? » s'écria le marin en lançant une bouffée de tabac. « Se pourrait-il que notre île fût surnaturelle ?» « Non, Pencroff, mais mystérieuse, à coup sûr, » répondit l'ingénieur, « à moins que vous ne puissiez nous expliquer ce que, Spilett et moi, nous n'avons pu comprendre jusqu'ici. »« Parlez, monsieur Cyrus, » répondit le marin. « Eh bien, avez-vous compris, » dit alors l'ingénieur, « comment il a pu se faire qu'après être tombé à la mer, j'ai été retrouvé à 1/4 mille à l'intérieur de l'île, et cela sans que j'aie eu conscience de ce déplacement ?» « À moins que, étant évanoui, dit Pencroff, ce n'est pas admissible, répondit l'ingénieur, mais passons. Avez-vous compris comment Top a pu découvrir votre retraite, à 5 milles de la grotte où j'étais couché ?» L'instinct du chien, répondit Harbert. Singulier instinct, fit observer le reporter, puisque malgré la pluie et le vent qui faisaient rage pendant cette nuit, Top arriva aux cheminées sec et sans une tache de boue. Passons, reprit l'ingénieur. Avez-vous compris comment notre chien fut si étrangement rejeté hors des eaux du lac après sa lutte avec le dugong? Non, pas trop, je l'avoue, répondit Pencroff. Et la blessure que le dugong avait au flanc, blessure qui semblait avoir été faite par un instrument tranchant, ne se comprend pas davantage. Passons encore, reprit Cyrus Smith. Avez-vous compris, mes amis, comment ce grain de plomb s'est trouvé dans le corps du jeune pécari? Comment cette caisse s'est si heureusement échouée sans qu'il y ait eu trace de naufrage? Comment cette bouteille renfermant le document s'est offerte si à propos lors de notre première excursion en mer? Comment notre canot ayant rompu son amarre est venu par le courant de la Mercy nous rejoindre précisément au moment où nous en avions besoin? Comment, après l'invasion des singes, l'échelle a été si opportunément renvoyée des hauteurs de Granite House? Comment, enfin, le document, qu'Ayrton prétend n'avoir jamais écrit, est tombé entre nos mains? Cyrus Smith venait d'énumérer, sans en oublier un seul, les faits étranges qui s'étaient accomplis dans l'île. Harbert, Pencroff et Nab se regardèrent, ne sachant que répondre, car la succession de ces incidents, ainsi groupés pour la première fois, ne laissait pas de les surprendre au plus haut point. « Sur ma foi, dit enfin Pencroff, vous avez raison, monsieur Cyrus, et il est difficile d'expliquer ces choses-là. » « Eh bien, mes amis, reprit l'ingénieur, un dernier fait est venu s'ajouter à cela, et il est non moins incompréhensible que les autres. »« Lequel, monsieur Cyrus ?» demanda vivement Harbert. « Quand vous êtes revenu de l'île Tabor, Pencroff, reprit l'ingénieur, vous dites qu'un feu vous est apparu sur l'île Lincoln. »« Certainement, répondit le marin. « Et vous êtes bien certain de l'avoir vu, ce feu ?»« Comme je vous vois. »« Toi aussi, Harbert ?»« Ah, monsieur Cyrus, s'écria Harbert, ce feu brillait comme une étoile de première grandeur. » « Mais n'était-ce point une étoile ?» demanda l'ingénieur en insistant. « Non, répondit Pencroff, car le ciel était couvert de gros nuages, et une étoile, en tout cas, n'aurait pas été si basse sur l'horizon. Mais monsieur Spilett l'a vu comme nous, et il peut confirmer nos paroles. » « J'ajouterai, dit le reporter, que ce feu était très vif, et qu'il projetait comme une nappe électrique. » « Oui, oui, parfaitement, répondit Harbert, et il était certainement placé sur les hauteurs de Granite House. » « Eh bien, mes amis, répondit Cyrus Smith, pendant cette nuit du 19 au 20 octobre, ni Nab, ni moi, nous n'avons allumé un feu sur la côte. » « Vous n'avez pas... » s'écria Pencroff au comble de l'étonnement, et qui ne put même achever sa phrase. « Nous n'avons pas quitté Granite House, répondit Cyrus Smith, et si un feu apparut sur la côte, c'est une autre main que la nôtre qui l'a allumé. » Pencroff, Harbert et Nab étaient stupéfaits. Il n'y avait pas eu d'illusion possible, et un feu avait bien réellement frappé leurs yeux pendant cette nuit du 19 au 20 octobre. Oui, ils durent en convenir, un mystère existait. Une influence inexplicable, évidemment favorable aux colons, mais fort irritante pour leur curiosité, se faisait sentir et comme à point nommé sur l'île Lincoln. Y avait-il donc quelque être caché dans ses plus profondes retraites? C'est ce qu'il faudrait savoir à tout prix. Cyrus Smith rappela également à ses compagnons la singulière attitude de Top et de Jup quand ils rôdaient à l'orifice du puits qui mettait Granite House en communication avec la mer, et il leur dit qu'il avait exploré ce puits sans y découvrir rien de suspect. Enfin, la conclusion de cette conversation fut une détermination prise par tous les membres de la colonie de fouiller entièrement l'île dès que la belle saison serait revenue. Mais depuis ce jour, Pencroff parut être soucieux. Cette île dont il faisait sa propriété personnelle, il lui sembla qu'elle ne lui appartenait plus tout entière et qu'il la partageait avec un autre maître, auquel, bon gré, mal gré, il se sentait soumis. Nab et lui causaient souvent de ces inexplicables choses, et tous deux, très portés au merveilleux par leur nature même, n'étaient pas éloignés de croire que l'île Lincoln fût subordonnée à quelque puissance surnaturelle. Cependant, les mauvais jours étaient venus avec le mois de mai, novembre des zones boréales. L'hiver semblait devoir être rude et précoce. Aussi les travaux d'hivernage furent-ils entrepris sans retard. Du reste, les colons étaient bien préparés à recevoir cet hiver, si dur qu'il dût être. Les vêtements de feutre ne manquaient pas, et les mouflons, nombreux alors, avaient abondamment fourni la laine nécessaire à la fabrication de cette chaude étoffe. Il va sans dire qu'Ayrton avait été pourvu de ses confortables vêtements. Cyrus Smith lui offrit de venir passer la mauvaise saison à Granite House, où il serait mieux logé qu'au corral, et Ayrton promit de le faire dès que les derniers travaux du corral seraient terminés, ce qu'il fit vers la mi-avril. Depuis ce temps-là, Ayrton partagea la vie commune et se rendit utile en toute occasion. Mais toujours humble et triste, il ne prenait jamais part au plaisir de ses compagnons. Pendant la plus grande partie de ce troisième hiver que les colons passaient à l'île Lincoln, ils demeurèrent confinés dans Granite House. Il y eut de très grandes tempêtes et des bourrasques terribles qui semblaient ébranler les roches jusque sur leur base. D'immenses rats de marée menacèrent de couvrir l'île en grand, et certainement tout navire mouillé sur les atterrages s'y fut perdu corps et biens. Deux fois, pendant une de ces tourmentes, la mer si grossit au point de donner lieu de craindre que le pont et les ponceaux ne fussent emportés, et il fallut même consolider ceux de la grève qui disparaissaient sous les couches d'eau quand la mer battait le littoral. On pense bien que de tels coups de vent, comparables à des trombes, où se mélangeaient la pluie et la neige, causèrent des dégâts sur le plateau de grande vue. Le moulin et la basse-cour eurent particulièrement à souffrir. Les colons durent souvent y faire des réparations urgentes, sans quoi l'existence des volatiles eût été sérieusement menacée. Par ces grands mauvais temps, quelques couples de jaguars et des bandes de quadrumanes s'aventuraient jusqu'à la lisière du plateau, et il était toujours à craindre que les plus souples et les plus audacieux, poussés par la faim, ne parvinssent à franchir le ruisseau qui, d'ailleurs, lorsqu'il était gelé, leur offrait un passage facile. Plantations et animaux domestiques eussent été infailliblement détruits alors sans une surveillance continuelle, et souvent il fallut faire le coup de feu pour tenir à respectueuse distance ces dangereux visiteurs. Aussi, la besogne ne manqua-t-elle pas aux hiverneurs, car, sans compter les soins du dehors, il y avait toujours 1000 travaux d'aménagement à Granite House. Il y eut aussi quelques belles chasses, qui furent faites par les grands froids dans les vastes marais des Tadorn. Gédéon Spilett et Harbert, aidés de Jup et de Top, ne perdaient pas un coup au milieu de ces myriades de canards, de bécassines, de sarcelles, de pilets, et de vanneaux. L'accès de ce giboyeux territoire était facile, d'ailleurs, soit que l'on s'y rendît par la route du port Ballon, après avoir passé le pont de la Mercy, soit en tournant les roches de la pointe de l'épave, et les chasseurs ne s'éloignaient jamais de Granite House au-delà de 2 ou 3 milles. Ainsi se passèrent les 4 mois d'hiver, qui furent réellement rigoureux, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre. Mais, en somme, Granite House ne souffrit pas trop des inclémences du temps, et il en fut de même au corral qui, moins exposé que le plateau et couvert en grande partie par le mont Franklin, ne recevait que les restes des coups de vent déjà brisés par les forêts et les hautes roches du littoral. Les dégâts y furent donc peu importants, et la main active et habile d'Ayrton suffit à les réparer promptement, quand, dans la seconde quinzaine d'octobre, il retourna passer quelques jours au corral. Pendant cet hiver, il ne se produisit aucun nouvel incident inexplicable. Rien d'étrange n'arriva, bien que Pencroff et Nab fussent à l'affût des faits les plus insignifiants qu'ils eussent pu rattacher à une cause mystérieuse. Top et Jup, eux-mêmes, ne rôdaient plus autour du puits et ne donnaient aucun signe d'inquiétude. Il semblait donc que la série des incidents surnaturels fût interrompue, bien qu'on en causât souvent pendant les veillées de Granite House, et qu'il demeura bien convenu que l'île serait fouillée jusque dans ses parties les plus difficiles à explorer. Mais un événement de la plus haute gravité, et dont les conséquences pouvaient être funestes, vint momentanément détourner de leur projet Cyrus Smith et ses compagnons. On était au mois d'octobre. La belle saison revenait à grands pas. La nature se renouvelait sous les rayons du soleil, et au milieu du feuillage persistant des conifères qui formaient la lisière du bois, apparaissait déjà le feuillage nouveau des micocouliers, des banksias et des déodars. On se rappelle que Gédéon Spilett et Harbert avaient pris à plusieurs reprises des vues photographiques de l'île Lincoln. Or, le 17 du mois d'octobre, vers 3 heures du soir, Harbert, séduit par la pureté du ciel, eut la pensée de reproduire toute la baie de l'Union qui faisait face au plateau de grande vue, depuis le cap Mandibule jusqu'au cap Griffe. L'horizon était admirablement dessiné, et la mer, ondulant sous une brise molle, présentait à son arrière-plan l'immobilité des eaux d'un lac piqueté çà et là de paillons lumineux. L'objectif avait été placé à l'une des fenêtres de la grande salle de Granite House, et par conséquent, il dominait la grève et la baie. Harbert procéda comme il avait l'habitude de le faire, et le cliché obtenu, il alla le fixer au moyen des substances qui étaient déposées dans un réduit obscur de Granite House. Revenu en pleine lumière en l'examinant bien, Harbert aperçut sur son cliché un petit point presque imperceptible qui tachait l'horizon de mer. Il essaya de le faire disparaître par un lavage réitéré, mais il ne put y parvenir. « C'est un défaut qui se trouve dans le verre, » pensa-t-il. Et alors il eut la curiosité d'examiner ce défaut avec une forte lentille qu'il dévissa de l'une des lunettes. Mais à peine eut-il regardé qu'il poussa un cri et que le cliché faillit lui échapper des mains. Courant aussitôt à la chambre où se tenait Cyrus Smith, il tendit le cliché et la lentille à l'ingénieur en lui indiquant la petite tache. Cyrus Smith examina ce point, puis, saisissant sa longue vue, il se précipita vers la fenêtre. La longue vue, après avoir parcouru lentement l'horizon, s'arrêta enfin sur le point suspect, et Cyrus Smith, l'abaissant, ne prononça que ce mot « navire ». Et en effet, un navire était en vue de l'île Lincoln. Fin de la seconde partie.